Ce sont peut-être les meilleurs espions de George Bush. Je veux parler des Moudjahidines du peuple, ses opposants iraniens à la politique des ayatollahs et du président Ahmadinejad. Ce sont eux qui, en 2002, auraient révélé l'ampleur du programme nucléaire militaire de Téhéran. Et ce sont eux qui, à peine connu le rapport des agences de renseignement américaines, affirmant que l'Iran a interrompu son programme de fabrication de la bombe, ont dénoncé la duplicité des autorités de leur pays. Et dans un communiqué récent diffusé sur Internet, ces Moudjahidines du peuple affirment que Téhéran dispose d'installations secrètes qui lui permettront de se doter de l'arme nucléaire. Bref, selon eux, l'Iran est toujours dangereux. Et c'est exactement le commentaire de George Bush après la publication du rapport de ses propres services secrets. Alors, qu'en est-il? Et qui a raison? Ces Moudjahidines du peuple ont-ils accès à des informations que les Américains sont incapables de collecter? Et d'abord parce que leur réseau d'espionnage, c'est en tout cas ce que disait M. X il n'y a pas si longtemps, a été démantelé à la suite d'une incroyable bourde. Mais dans leur volonté d'impliquer les États-Unis dans leur lutte contre le régime iranien, les Moudjahidines du peuple ne pratiquent-ils pas de la désinformation? Car on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec ce qu'il s'est passé avant l'intervention états-unienne en Irak. Des opposants à Saddam Hussein, tel Ahmed Chalabi, n'avaient alors cessé de clamer que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Or, il n'en était rien. Ces manœuvres d'intoxication relayées par les néo-conservateurs américains n'avaient pour objectif que de justifier la guerre irakienne de George Bush. Monsieur X essaie donc d'y voir plus clair. Et en particulier, il tente de faire la lumière sur ces Moudjahidines du peuple dont beaucoup résident en France et qui sont toujours considérés par les États-Unis comme appartenant à une organisation terroriste. Ce qui n'empêche pas ces mêmes États-Unis de les aider et même, probablement, de les financer. S'agit-il d'une secte? Oh, les avis sont bien sûr partagés, mais il est vrai que certaines pratiques des Moudjahidines du peuple sont troublantes. Par exemple, cette vénération qu'ils vouent à leur dirigeante bien-aimée, Mariam Rajavi, autoproclamée présidente de la République iranienne. Ou encore la séparation autoritaire des couples à qui il est d'abord demandé de consacrer leur amour à la seule Mariam. Et puis il y a aussi la dépendance absolue des militants à l'organisation, leur militarisation et l'exaltation du sacrifice. Mmh. Il y a même jusqu'à l'immolation par le feu de... Pour protester contre l'incarcération de Mariam en 2003 par les autorités françaises. Oui, après une impressionnante opération de police contre les Moudjahidines du peuple établie à Auvers-sur-Oise. Oui, mais enfin, nous parlons de cette affaire aussi spectaculaire qu'inutile, et même, disons-le, un peu ridicule. Alors, d'où viennent ces Moudjahidines du peuple ? Moudjahidine voulant dire, je vous le rappelle, combattant. Dès les années 60, un petit groupe de jeunes gens entame la résistance contre le régime autoritaire du Shah. Curieusement, ils sont inspirés par une double idéologie. Ils sont à la fois marxistes et islamistes. C'est pas facile à concilier. Mais il y a au moins un point de convergence, c'est l'anti-impérialisme. Et donc l'anti-américanisme. Naturellement, puisque les États-Unis soutiennent le Shah et ont même contribué à le remettre en selle après la parenthèse Mossadegh. Mais ne remontons pas trop loin. Ces premiers Moudjahidines recrutent essentiellement dans les milieux étudiants et intellectuels. Ils décident assez vite de passer à l'action armée. Par exemple, au début des années 70, ces militants font sauter des lignes électriques à haute tension. Ce qu'ils veulent, c'est saboter les cérémonies somptuaires du 2500e anniversaire de l'Empire perse. Ah, Persépolis. Mais en face d'eux, il y a la redoutable SAVAK. Et la police secrète. Et les arrestations ne tardent pas. Les principaux chefs sont incarcérés, jugés et bientôt exécutés. À l'exception d'un seul, Massoud Rajavi, qui est gracié. Et pourquoi lui et pas les autres alors? Essentiellement parce que son frère, qui étudiait le droit à Genève, a réussi à organiser une campagne internationale de protestation. Mais bien sûr, dans l'entourage du Shah, on a fait courir de vilains bruits. À quoi Rajavi aurait accepté de collaborer avec la police? Exactement. Quoi qu'il en soit, le mouvement des Moudjahidines, sévèrement frappé à la tête, n'en demeure pas moins actif. Tout au long de l'année 72, ils multiplient les attentats. Ils frappent en particulier des intérêts américains, des intérêts des hommes. L'organisation a donc recouvré ses forces. Et formé de nouvelles unités clandestines. En même temps, les Moudjahidines se sont rapprochés de deux mouvements d'opposition. D'abord du clergé de Com. D'où émergera Roménie. Hein. Et l'autre force, alors ? Oh, ce sont des laïcs, d'anciens partisans de Mossadegh, qui ont créé le MIL, Mouvement Iranien de Libération. Ouais. Et ceux-là sont plutôt des gens de gauche. En effet. Hein. En tout cas, la sinistre SAVAK ne désarme pas, et des dizaines de militants sont victimes de la répression. Mmh. Autre chose, on assiste aussi à une scission chez les Moudjahidines du peuple. Et ça, Rajavi n'apprécie pas du tout. Et ça se traduit par des règlements de comptes sanglants à l'intérieur de l'organisation. Il existe donc très tôt hein, ce sectarisme dont vous parliez plus haut. Et sur quelle base alors se fait cette scission ? D'un côté, il y a Rajavi et les siens, qui sont d'abord des islamistes, et de l'autre côté, des gens qui privilégient la couleur marxiste. Ces affrontements contribuent à ternir la réputation des Moudjahidines. Et dès cette époque, Khomeini fait la grimace. Il apprécie plus Rajavi. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et on le constatera bientôt. Après la révolution de 1979, oui, quand oui, même. Oui, pourtant Rajavi a fait en quelque sorte sa soumission. Il a accepté la primauté de Khomeini et le fait qu'il devienne le guide de la révolution dès son retour à Téhéran. Sous son influence, il a même signé une proclamation hostile au marxisme. Non, mais ça va vite se gâter. Assez vite, oui. Si dans un premier temps, les Moudjahidines soutiennent la révolution et sont même d'ardents acteurs de la nouvelle république islamique, on prétend qu'ils ne sont pas étrangers à la prise d'otage des diplomates états-uniens. La brouille ne va pas tarder à apparaître. Alors, essentiellement, pour quelle raison ? C'est le pouvoir absolu de Khomeini qui passe mal. Parce que Rajavi voudra en avoir une petite part ? Ah, naturellement, mais Khomeini n'admet pas qu'on puisse critiquer sa prééminence. Et en 1981, lorsque Rajavi essaie malgré tout de conclure une alliance avec le premier président de la République iranienne, Bani Sadr, lui-même de plus en plus isolé, le guide suprême se braque et démet le président. Ouais, qui trouvera refuge en France. C'est exact. Alors désormais c'est clair, c'est la guerre entre les ayatollahs et les moudjahidines du peuple. Rajavi prêche la lutte armée sans grand succès, son mouvement est aussitôt dissous, et les Moudjahidines ripostent à leur façon en posant une bombe au siège du parti de la République islamique. 74 hauts dignitaires du nouveau régime sont tués. Un véritable carnage. Et c'est la guerre civile. Ah, une lutte à mort. Les Pasdaran ne sont pas moins brutaux que les agents de l'ancienne SAVAK. Tous les jours, on exécute par dizaines les partisans de Rajavi. Et c'est au cours de cette première phase que l'épouse du chef des Moudjahidines... La première épouse, hein. C'est ça, oui. Ouais. Eh bien, elle trouve la mort lors d'une rafle. En même temps, une guerre terrible ensanglante le Kurdistan iranien. Cependant, personne n'en parle. Et bientôt, ce sera le conflit avec l'Irak. Hein. Mais auparavant, en 1981, Rajavi a choisi de fuir son pays. Et lui aussi, comme Bani Sadr, se réfugie en France. Et c'est son premier séjour à Auvers-sur-Oise, oui, dans une propriété que possède l'un de ses frères, un cardiologue. Mmh. Décidément, notre pays attire beaucoup les Iraniens, hein, d'abord. L'ayatollah Khomeini avant la révolution, puis Bani Sadr, Shapour Bakhtiar, le dernier premier ministre du Shah. Et bien d'autres. Le fait d'accueillir ces proscrits n'arrangera pas nos rapports avec Téhéran, qui ne cessera de réclamer leur expulsion et même leur extradition. Et comme Paris refuse, Khomeini envoie des tueurs pour tenter de les supprimer. En France, où de nombreux militants l'ont rejoint, Rajavi n'a pas renoncé à l'action politique et il crée avec d'autres opposants à Khomeini, dont Bani Sadr, le Conseil national de la résistance. Mais petit à petit, ces alliances vont se déliter. Et ce CNR, qui existe toujours, ne représente plus aujourd'hui que les Moudjahidines du peuple. C'est comme on dit abusivement leur vitrine légale. Ah ouais. Car bientôt, l'organisation des Moudjahidines va être classée dans la liste des mouvements terroristes. Ah oui, par les Américains, mais aussi par les Européens. Et ce n'est que l'an dernier que ces derniers l'ont sorti officiellement de cette liste. En attendant, comment se passe le séjour de Rajavi à Auvers-sur-Oise ? Le leader des Moudjahidines est plutôt bien vu. D'abord par les partis de gauche, PS et PC. Ils sont alors au pouvoir. Hein. Mais le mouvement de Rajavi présente aussi un autre intérêt. Malgré l'exil de son chef, de nombreux Moudjahidines sont restés en Iran. Dans la clandestinité, j'imagine. Bien entendu. Il constitue donc un réseau de premier plan pour tous ceux qui veulent obtenir des informations sur l'Iran des ayatollahs. Ah, je vois où vous voulez en venir. Là. Parmi ceux-là, nos services de renseignement. Bah, évidemment. Par conséquent, malgré l'obligation faite aux exilés de s'abstenir en principe de toute activité politique, les Moudjahidines du peuple sont plutôt choyés. Et ils collaborent discrètement avec nos services. Nos services d'espionnage. Et ça ira crescendo lorsque la guerre Iran-Irak éclatera. Ouais. Alors, la France, il faut le répéter, choisit le camp irakien. Il soutient Saddam Hussein. La France qui, rappelons-le, est traitée de petit Satan par les ayatollahs et les mollahs iraniens. Par conséquent, les Moudjahidines du peuple sont des alliés presque naturels et nous fournissent de précieux renseignements, en particulier sur les manœuvres du pouvoir iranien contre nos intérêts. Et les attentats que l'Iran va fomenter à cause de l'affaire Eurodif. Les Iraniens nous reprochent de ne pas respecter les termes du contrat signé du temps du Shah et qui prévoyait entre autres la fourniture d'uranium enrichi. Et à défaut, les ayatollahs veulent obtenir le remboursement du prêt qui a été consenti à la France par le Shah. C'est exactement ça. Et n'obtenant pas de réponse positive, Téhéran va perpétrer des attentats sur notre sol. Mais ça va changer en 1986. Organisation sectaire, a dit tout à l'heure Monsieur X. Il est vrai que certaines pratiques des Moudjahidines du peuple peuvent paraître étranges. À commencer par l'épisode des troisièmes épousailles de Massoud Rajavi. J'emprunte ces quelques lignes à Patrice Lestrohan, journaliste au Canard Enchaîné. Quand, en 1984, Rajavi, deux fois mariée précédemment, s'éprend de Mariam, elle est alors l'épouse du numéro 4 de l'organisation. Preuve de son pouvoir ou de sa capacité de rétorsion, Rajavi obtient sans embâge la dissolution du mariage et, à la veille du sien avec la belle, fait pondre par son bureau politique un texte qui fleure fort le tyranno de l'Euphrate et du Val d'Oise. Le texte parle en effet d'un nouvel exploit épique qui représente un saut qualitatif dépassant toutes les épopées de l'histoire des Moudjahidines. N'en pouvant mais, le mari dépossédé adressera même ses félicitations publiques au couple unique. Unique à plus d'un titre. À en croire les témoignages de dissidents sous couvert de promotion de la femme, esclave au pays des Mollahs, le mouvement prohibe les relations sexuelles et prône donc le célibat ou le divorce pour les militants déjà mariés. Pire encore, dans le rapport quotidien qu'ils sont tous, paraît-il, tenus de produire sur leurs activités, les Moudjahidines doivent mentionner leurs fantasmes sexuels occasionnels ou réguliers, une paille au regard de traitements plus virils comme l'incarcération, éventuellement accompagnée de sévices. En 1986, la première cohabitation commence. Et la nomination de Jacques Chirac au poste de Premier ministre est immédiatement saluée par une salve d'attentats. Le chef du gouvernement entend parfaitement le message. Il entreprend aussitôt un changement de politique vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire Chirac veut normaliser nos rapports diplomatiques avec l'Iran. Et afin de donner à Téhéran un signe de bonne volonté, il décide l'expulsion de Rajavi et d'un millier de ses partisans. Et ça suffit à calmer les ayatollahs? Non, car l'Iran encore ses prises d'otages au Liban. Des actions inspirées par Téhéran et perpétrées par le Hezbollah, qui est le bras armé des ayatollahs au Liban. Mais nous en avons souvent parlé, non. Non, ce qui compte dans cette affaire, c'est que le gouvernement français lance les Moudjahidines dans les bras de Saddam Hussein. Ah oui, parce que Rajavi va aller s'installer en Irak. Il n'a pas trop le choix, forcément. Saddam Hussein est ravi. L'ennemi de mon ennemi ne peut être que mon ami. Mais enfin, ce faisant, Rajavi prend un risque énorme. Oui. Par rapport à ses concitoyens? Naturellement. Pour les Iraniens, qu'ils soient ou non favorables aux ayatollahs, c'est une trahison. Car lorsque Rajavi choisit de se rendre en Irak, la guerre est loin d'être terminée et Saddam Hussein a même décidé d'utiliser l'arme chimique pour anéantir les hordes iraniennes qui déferlent sur le front sud. En tout cas, les autorités irakiennes ne refusent rien à Rajavi qui va créer son armée, l'armée de libération nationale de l'Iran. Équipée d'armements lourds, elle est financée par l'Irak et regroupe une dizaine de milliers de combattants. Ah, c'est une force qui compte. Et en juillet 88, Rajavi profite du cessez-le-feu qui vient d'intervenir entre l'Iran et l'Irak pour lancer son armée contre les forces iraniennes. En pensant qu'après une si longue guerre, elles seront exténuées. C'est ce qu'il croit. Mm-hmm. Mais après s'être enfoncée de 50 km en territoire iranien, l'armée de libération est taillée en pièces et laisse 1500 hommes sur le terrain. Cuisante défaite pour Rajavi. Une véritable humiliation. Mais c'est vrai que les Mollahs ont eu peur et qu'ils se vengent à leur façon en faisant exécuter dans leur prison tous les Moudjahidines du peuple qui s'y trouvent incarcérés. Un massacre commandé par Khomeini en personne et qui provoque d'ailleurs des dissensions entre religieux. Et j'imagine que c'est également une désillusion pour Saddam Hussein. Ah, bien entendu, car il espérait, avec cette offensive des Moudjahidines du peuple, continuer la guerre tout en respectant le cessez-le-feu. Une guerre par substitution. La générosité de Saddam Hussein est-elle sans contrepartie? Bien sûr que non. Il demandera aux Moudjahidines de se charger de quelques sales boulots, contre les Kurdes irakiens par exemple, ce qui encore une fois mettra à mal la réputation des troupes de Rajavi et de Rajavi lui-même. En tout cas, la France se rabiboche avec les Moudjahidines, à condition de respecter une réelle neutralité politique. Ils sont autorisés à revenir en France. Est-ce qu'ils vont ? C'est évident. Malgré toutes les attentions prodiguées par Saddam Hussein, ces militants sont quand même plus à l'aise dans une démocratie occidentale. Et puis, on y communique mieux. Et de ce point de vue, les Moudjahidines sont des champions. Ouais, champions de la communication, donc. Mmh. Et la neutralité politique, alors ? Ah ben, on l'oublie quand il le faut. Oui. Le gouvernement français ferme les yeux. Mmh. La confrontation armée entre les Moudjahidines et l'Iran, alors, a-t-elle cessé ? Non. Non, mais après la grande offensive ratée de 1988, elle ne prendra plus jamais cette ampleur. Alors oui, les Moudjahidines continuent à perpétrer des attentats et les Iraniens ripostent en assassinant des militants à l'étranger. Un frère de Rajavi représentant le mouvement à Genève est tué. Et les deux meurtriers sont ensuite arrêtés en France. Mais plutôt que de les livrer à la Suisse, qui réclame leur extradition, ces agents iraniens sont renvoyés dans leur pays. Pas de vague. Bon, c'est à peu près ça. Par ailleurs, et malgré la première guerre des alliés contre Saddam Hussein en 1991... les Moudjahidines du peuple conservent des bases en Irak. Et ça leur permet de se livrer à des opérations ponctuelles contre les forces iraniennes. À proximité de la frontière. Et parfois, ça provoque des réactions. En 1992, par exemple, l'aviation iranienne bombarde un camp de l'organisation en Irak. Immédiatement, les Moudjahidines se vengent par une série d'attentats contre des ambassades de Téhéran et un peu plus tard en attaquant des installations pétrolières. En même temps, il se produit d'importants changements à la tête de l'organisation. Quoi ? Mariam devient numéro un. Quoi, à la place de son mari, hein ? Oui. Ouais. Et que s'est-il passé ? Ah bon, on ne sait pas exactement. Certains prétendent que les époux ne s'entendaient plus. On a même évoqué une liaison de Mariam avec Saddam Hussein. Mais enfin, ça, je n'y crois pas trop. Par contre, l'accession de Mariam à la première place, c'est certaine. Et comme Massoud, précédemment, elle va être l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Et lui, qu'est-il devenu ? Ah, ça, c'est l'un des mystères de cette affaire. On ne sait pas où est passé Massoud Rajavi. Et toutes les hypothèses sont possibles, y compris celle d'une exécution. En Irak ? Pourquoi pas ? Mais écoutez, je suis désolé, mais je n'en sais pas plus. Alors, voyons la suite. Les attentats commis par les Moudjahidines, je vous l'ai dit, leur valent d'être placés sur la liste des organisations terroristes. D'abord par les États-Unis, puis par l'Union européenne. Curieusement d'ailleurs, les Américains semblent soudain se rappeler qu'avant la chute du Shah, les Moudjahidines ont assassiné nombre de leurs compatriotes. Enfin, passons. Et venons-en à la deuxième guerre du Golfe, en 2003. Encore une fois, alliés de Saddam Hussein, les Moudjahidines sont dans le mauvais camp, hein, du point de vue américain en tout cas. Effectivement, et ça commence très mal pour eux. Mais auparavant, il faut observer que les Moudjahidines ont pris les devants. Mm-hmm. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, les Américains vont s'en prendre à l'Irak. Oui, ils sont très bien informés. Ils ont établi depuis longtemps des contacts secrets avec des agents de la CIA. Par conséquent, ils évacuent quatre des camps qu'ils possèdent dans le sud de l'Irak. Et ils concentrent leurs forces dans leur base d'Ashrat, située à 90 km au nord de Bagdad, pas très loin de la frontière iranienne. Un territoire de 36 km² que leur a concédé le dictateur irakien. Une vraie citadelle, fortement protégée et entourée de grillages et de fils de fer barbelés. Une enclave iranienne en Irak. C'est ça. Et dans le même temps, les Moudjahidines, ou plutôt leur vitrine légale, le CNR, se lancent au tout début de 2003. Quelques semaines après l'invasion états-unienne. Ce n'est pas un hasard, oui. Donc ils se lancent dans une importante campagne de communication médiatique aux États-Unis. Et que cherchent-ils alors ? Ils veulent d'abord persuader l'opinion américaine qu'ils ne sont pas des terroristes, mais des combattants démocrates contre l'absolutisme des mollahs. Ils ne doivent donc plus figurer sur cette liste des organisations terroristes. Et ils trouvent 150 parlementaires états-uniens pour signer une pétition en leur faveur. D'autre part, ils entendent aussi se démarquer de Saddam Hussein. Enfin, et ce n'est pas rien, c'est un responsable des Moudjahidines du peuple, installé aux États-Unis, qui révèle l'étendue des recherches iraniennes sur le nucléaire militaire. C'est une sorte de cadeau fait aux Américains. En tous les cas, ça y ressemble. Mmh. Il y a donc une volonté des Moudjahidines de se rapprocher des Américains. Malgré tout, vous avez dit que dès que la guerre contre l'Irak éclate, ça commence très mal pour eux. Oui, parce que les brigades Al-Badr, composées de chiites inféodés à l'Iran, les attaquent, tandis que l'aviation américaine effectue un bombardement du camp d'Ashraf. Mais il n'y en aura pas d'autres. Et pourtant, il se murmure dans Bagdad, investi par les troupes américaines, que dans leur camp, les Moudjahidines du peuple posséderaient des armes de dissuasion massive. Les forces américaines renoncent donc à se débarrasser de ses anciens alliés de Saddam Hussein. Hein. Ouais. Et dès le 15 avril 2003, un accord de cessez-le-feu est conclu avec les Moudjahidines. Mieux, un accord de désarmement est passé entre les combattants iraniens et les autorités militaires états-uniennes. Les Moudjahidines livrent leurs blindés et leurs canons, mais ils sont autorisés à conserver leurs armes légères. Enfin, ils sont tous invités à rejoindre le camp d'Ashraf. Ils ne sont pas considérés comme des prisonniers de guerre, mais comme des belligérants consignés dans leur camp. Des détenus ordinaires, en somme. Hein. Mm-hmm. Et pourtant, officiellement, pour les Américains, ce sont des terroristes. Toujours, oui. Et qui auraient pu être envoyés à Guantanamo. Alors, expliquez-moi. Eh bien, à Washington, certains pensent déjà à l'avenir, c'est-à-dire à la prochaine guerre. Il est certain que dans l'entourage de George Bush, les néoconservateurs ont déjà intégré l'idée que les Moudjahidines du peuple seront bientôt de précieux alliés. Ainsi, voici ce que je lis dans l'ouvrage d'Éric Laurent, Bush, l'Iran et la bombe. Mariam Rajavi et son mouvement, qui ont assassiné dans le passé plusieurs Américains et servi de supplétifs à Saddam, sont devenus une arme aux mains des faucons qui entourent le président américain. Seul obstacle de taille à une coopération ouverte entre les Moudjahidines du peuple et l'administration américaine, l'organisation figure depuis 1997 sur la liste des organisations terroristes dressées par le département d'État. Un classement qui, curieusement, ne lui interdit pas d'avoir un bureau et des activités dans la capitale américaine. John Ashcroft, ministre ultra-conservateur de la justice, soutient activement le mouvement et un de ses collaborateurs explique cette ambiguïté juridique en déclarant « Le simple fait qu'un groupe soit désigné comme une organisation terroriste étrangère ne le rend pas nécessairement illégal. » Un an se passe. L'organisation est également inscrite sur les registres du ministère de la justice en tant que lobbyiste, une activité où elle excelle. Le livre de Laurent a été publié par Plon. Je dois à la vérité de dire qu'au département d'État où règne Colin Powell, on reste très circonspect vis-à-vis des Moudjahidines du peuple. D'abord à cause de son classement sur la liste des organisations terroristes, mais aussi pour ne pas mécontenter Téhéran, quoi qu'il en soit. Cette controverse assez vive va trouver un important écho chez nous. En juin 2003, sous l'autorité du juge antiterroriste Bruguière, 1200 policiers et gendarmes, pilotés par quelques hommes de la DST, investissent le siège des Moudjahidines à Auvers-sur-Oise. Ouais, je me souviens, oui. Enfin, en général, quand on mobilise de telles forces, c'est du sérieux. Alors, au cours de cette opération, au nom de code Théo, on perquisitionne. On trouve pas mal d'argent liquide, mais c'est tout. Pas d'armes, pas d'explosifs. Ça n'empêche pas Bruguière de faire incarcérer plus de 160 militants, dont Mariam Rajavi, la madone des Moudjahidines. Les protestations des opposants iraniens sont vives, et certaines d'entre elles sont dramatiques. Oui, ces immolations par le feu dont nous avons parlé. Hein. Mais, au fond, que reproche-t-on aux Moudjahidines ? De se livrer sur notre sol à des activités clandestines et à du blanchiment d'argent. Et qu'en est-il en réalité, alors ? Activités clandestines ? Mais lesquelles ? La DST est bien incapable de prouver quoi que ce soit et ne dispose d'aucune preuve matérielle. Quant au blanchiment d'argent, il est probable. Mais l'organisation a mis en place un réseau si complexe de sociétés étrangères enchevêtrées, les unes dans les autres, que les enquêteurs sont incapables de démêler cet écheveau financier qui permet, entre autres, d'alimenter les caisses du mouvement et même d'en salarier les membres. Résultat, les militants vont être libérés les uns après les autres. Et Bruguière, malgré ce déploiement spectaculaire de policiers, fait chou blanc. Et Mariam est libérée, bénéficie d'un non-lieu et est accueillie au Auvers-sur-Oise comme une star. Mais ce qui est beaucoup plus important que cette piteuse affaire, ce sont ses répercussions internationales. En Iran d'abord. Dès l'annonce de l'interpellation de ces Moudjahidines, on se réjouit. Et j'imagine qu'on félicite la France. Et ça tombe plutôt bien, puisque notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, s'est rendu 2 mois plus tôt à Téhéran, où il a été reçu avec beaucoup d'égards. Mm-hmm. Autre félicitation, celle de Washington. L'opération Théo s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est pour le discours officiel. Mais en réalité, la Maison-Blanche grimace. Pourquoi ? Parce que ça contrarie le dessein des néoconservateurs de se servir des Moudjahidines du peuple contre Téhéran ? Évidemment. Et ça se retourne contre la France, implicitement soupçonnée d'avoir voulu faire une fleur au Mollah, à seule fin de signer de fructueux contrats pétroliers ou industriels avec Téhéran. En tout cas, c'est ce que vont prétendre quelques parlementaires états-uniens qui vont même accuser les autorités françaises d'avoir parti lié avec l'Iran un état terroriste. Donc l'opération Théo a fait un flop. Hein. Et la DST a peut-être tenté d'allumer un contre-feu. Bah, de quoi voulez-vous parler là? De la publication en France d'un ouvrage signé par un certain Victor Charbonnier, un pseudonyme, qui masque le vrai nom de deux auteurs dont l'un est présenté comme un haut fonctionnaire international. Et pourquoi ce pseudo, alors, le devoir de réserve? Non, non. Officiellement, il s'agit de préserver la sécurité des deux auteurs. Mais pourquoi le livre est si explosif que cela? Disons qu'il n'est pas très gentil pour les moudjahidines du peuple. Alors, de quoi s'agit-il? L'ouvrage, inspiré par un collectif de dissidents, enfin ça c'est la version officielle, dénonce violemment les pratiques en usage chez les moudjahidines. Sévices corporels, lavage de cerveau, chantage exercé contre ses propres membres. Bref, l'organisation serait en réalité un nid de néo-staliniens. Oui, mais vous-même, quand au début de cet entretien, vous avez évoqué les pratiques sectaires des moudjahidines du peuple, vous n'étiez pas très loin du constat établi par ces dissidents. Mais je le reconnais, c'est vrai, mais je ne suis pas allé aussi loin. Car écoutez bien la conclusion des deux auteurs. Cette organisation islamo-communiste est l'une des organisations terroristes les plus dangereuses au monde. Aujourd'hui, je crois que d'autres mouvements et d'autres États lui ont largement damé le pied. Ouais, la nébuleuse Al-Qaïda, par exemple. Mmh. Et vous pensez que notre service de contre-espionnage aurait pu être impliqué dans la rédaction de cet ouvrage? La DST, faute de pouvoir traduire les moudjahidines du peuple devant la justice, aurait très bien pu livrer aux auteurs des informations. Des informations puisées à de très bonnes sources. Alors une sorte de revanche? Enfin, c'est ce que je pense. Mais bien sûr, je n'ai aucune certitude. C'est simplement la coïncidence entre la publication de ce texte et l'opération Théo qui m'a intrigué. Au reste, quitte à me contredire, il faut bien avouer que ces terribles moudjahidines vivent en parfaite harmonie avec la population d'Auvers-sur-Oise. Population qui a été ravie de les revoir à l'issue de leur brève incarcération. Ah, alors revenons peut-être aux relations des moudjahidines du peuple avec les États-Unis. Vous avez raison, car c'est quand même l'essentiel. Bon, bien que toujours inscrits sur la fameuse liste des organisations terroristes, les moudjahidines vont nouer des rapports de plus en plus étroits avec l'administration états-unienne. Expliquez. Il y a d'abord le fait que la CIA, à la suite de l'énorme bévue que je vous ai raconté il y a 3 semaines, si je me souviens bien, a vu son réseau d'espionnage pratiquement démantelé. Par conséquent, les services américains sont contraints de s'en remettre de plus en plus à l'organisation des moudjahidines du peuple, qui, eux, semblent très bien informés, en particulier sur l'état de l'avancement des recherches nucléaires iraniennes sur la bombe. Oui, mais se reposer sur une seule source d'information, c'est dangereux. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le monde de la presse comme dans celui du renseignement, la tentation peut être grande chez ses opposants aux ayatollahs d'intoxiquer Washington en exagérant la menace, ce que les néo-conservateurs américains ont très envie d'entendre. Et ça rappelle exactement à ce qu'a fait quelques années plus tôt l'opposant irakien Ahmed Chalabi, hein, qui a prétendu que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Alors que le dictateur s'en était déjà débarrassé sous la pression des inspecteurs de l'ONU, oui. On assiste donc là à une sorte de répétition. Et il ne faut jamais oublier de tenir compte de cette possibilité de manipulation lorsqu'on parle de la bombe iranienne. Car, incontestablement, George Bush fait les beaux yeux aux moudjahidines du peuple. En août 2004, le maître de la Maison-Blanche déclare, par exemple, qu'il pardonne à certains alliés de Saddam Hussein. Et parmi eux, les moudjahidines. Oui, ils font partie du lot. Il va même plus loin puisqu'il affirme que ces derniers sont désormais sous la protection des forces américaines. Il veut parler de ceux qui se sont regroupés dans le camp d'Ashraf. Et qui sont au nombre de 3 800. Ouais. Ouais. Et c'est une décision qui ne peut que mécontenter le gouvernement irakien, composé principalement de chiites pro-iraniens. Par conséquent, c'est dire l'importance que revêt aux yeux de Washington cette exceptionnelle source d'information que représentent les moudjahidines. Et déjà, parmi les stratèges qui entourent le président états-unien, on verrait bien les moudjahidines du peuple jouer le rôle moteur qu'a tenu l'Alliance du Nord en Afghanistan lorsque les talibans ont été chassés de Kaboul. Le mouvement, l'Alliance du Nord, le mouvement créé par le commandant Massoud. Oui, et cela dans l'hypothèse d'une guerre américaine contre les ayatollahs. Mais c'est quand même faire fi de l'impopularité des moudjahidines depuis qu'ils ont fait alliance avec Saddam. Hein. Je suis entièrement d'accord, mais l'idée a réellement germé dans le cerveau des faucons de la Maison-Blanche, aussi étonnant que cela paraisse. Un dernier mot, si vous me permettez. Les services secrets états-uniens devraient d'autant plus être méfiants à l'égard des renseignements fournis par les moudjahidines du peuple que ces derniers tiennent parfois certaines de leurs informations d'une autre source. Bah qui ? Bah le Mossad israélien, qui a toujours maintenu en Iran un solide réseau d'espionnage. Or, qui plus qu'Israël a intérêt à voir les États-Unis intervenir en Iran ? Après avoir écouté cet entretien, je vous recommande plusieurs lectures. D'abord celle du livre d'Éric Laurent, « Bush, l'Iran et la bombe » aux éditions Plon, « Moudjahidin du peuple, la résistance aux ayatollahs » de Mehdi Abrishamchi aux éditions Jean Picolec, un ouvrage très favorable au Moudjahidin et préfacé par Yves Bonnet, ancien directeur de la DST qui a manifestement épousé leur cause. Et aussi, à l'opposé, « Les Moudjahidines du peuple iranien, un combat douteux » chez l'Armatan. Ce livre, écrit sous le pseudonyme d'Yves Charbonnier, et qui met violemment en cause l'organisation de Mariam Rajavi. Enfin, un livre capital, « Dommages collatéraux » du grand journaliste Seymour Hersh, paru en France chez De Noël.